Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bonsoir, chers auditeurs. C'est l'émission Terrain Incognita avec Bruno, Jean-François et France. On est là pour les deux prochaines heures et vous êtes à 89.1 à Québec. Et on a encore une belle émission de deux heures. Et bonsoir, France, pour commencer. Bonsoir et bonne année tout le monde. Ben oui, bonne année tout le monde. Et quand on parle d'année, on fait toujours un petit peu des bilans. Et j'entendais tantôt, puis toi tu l'as vu aujourd'hui, soyez à l'écoute de l'émission L'Autoroute parce que Stéphane célèbre ses 20 ans. 20 ans à la barre de l'émission L'Autoroute, c'est quand même quelque chose. Et en ce qui me concerne, moi et Bruno, ça fait 10 ans cette année là, qu'on collabore ensemble à radio. Pas toujours à CKRL, on était sur une autre station. Mais depuis 2008, qu'on est en rotation à 4 avec Michel. Et peut-être que Michel va nous faire la même surprise que la semaine passée, surtout qu'il fait à peu près la même température. Une belle petite neige qui tombe, un petit peu à la façon de la semaine passée. Et c'est ça. C'est encore un beau deux heures. On va écouter du K-pop. On en a écouté un petit peu la semaine passée. Moi, mon préféré, c'est le premier. Et quand on parle de K-pop, on parle de la convention Terra Incognita qui aura lieu au mois de mai. Et je pense que ça fait partie de No It. Il y en a peut-être un autre aussi que tu aimerais parler. Anecdoten. Sûrement. Hein? Anecdoten, on a bien hâte de les voir. Ça fait déjà un bon bout de temps. Depuis 98, on se languit. Oui, la première fois, c'est en 94. Ah, un show mémorable. On a encore des frissons. Oui. Et on va écouter du premier album sur lequel Ron Stout était tout jeune quand il est entré dans K-pop. On le disait avec Michel la semaine dernière, il avait tout juste 17 ans. Et cet album-là est paru moins de deux ans plus tard. Donc, il avait même pas encore 20 ans et déjà, il y avait un jeu assez spectaculaire. Et en fouillant un petit peu sur Internet, il y a des clips aussi. On voit K-pop d'Acapo, qui n'a pas donné beaucoup de ce spectacle-là, mais ça leur a remporté un succès assez intéressant. Et nous autres, on va avoir ça dans nos murs. Mais juste avant, on va écouter... c'est pas vraiment un groupe, c'est plutôt un Français qui fonctionne sous le nom de Spleen Arcana. Et sur ce disque-là, il y a aussi des invités. Mais il fait ça un petit peu à l'ancienne, dans le sens qu'il y a des sons de clavier vintage. Et tu disais, tu regardais la liste, tu disais, bah, il n'y en a pas beaucoup que je connais dedans. C'est peut-être parce que tu les entends, mais tu vas sûrement reconnaître. Et en ce qui me concerne, c'est une nouveauté, même si ça date de 2000, c'est marqué 2014, mais ça fait déjà quelques mois que c'est sorti. Et ça s'appelle The Light Beyond the Shades. Et on poursuivra juste après avec K-pop. Et aussi la nouveauté de Pain of Salvation, qui malheureusement nous a fait faux bond il y a quelques années. On va aller voir lors de la tournée, comment ça s'appelle, Mike Portnoy, ça s'appelait Progressive Nation. Et Beardfish et Pain of Salvation avaient été annulés à cause des problèmes de la compagnie de disques. Mais heureusement, Beardfish, on avait pu les voir un petit peu plus tard, et ça aussi, ça avait été un concert mémorable. Donc, avec les Suédois, je pense qu'on ne se trompe pas. On a toujours des beaux concerts. Donc, Spleen Arcana, Kaipa et Pain of Salvation. Thank you. There's nothing to find. She has nothing more to give to you. Where are you now? Dude! So I lay dog, a king or a coward, a rock. Yes, this is all I am. Yes, this is all I'll be. This is not enough. Mother, I wish that we could talk. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose ses bières et tapas, les bières fromages, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents du Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Première Ovation vous invite à découvrir les artistes émergents de Québec. Du 17 décembre au 11 janvier, le Cercle des auteurs de la relève de Québec occupe la galerie de la Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste avec l'exposition littéraire Fragments. Visitez premièreovation.com pour en apprendre plus. Et nous sommes de retour. Et après une petite pause publicitaire et un bloc, en tout cas, pas mal à mon goût, on a eu du Pain of Salvation qui est... bon, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Bruno est en train de faire référence. C'est une inside joke. Donc, Falling Home de Pain of Salvation qui est sorti dans les dernières semaines. On a entendu King of Loss. C'est pas tout à fait un nouveau disque. C'est-à-dire que oui, c'est une nouvelle parution, mais c'est comme une, c'est pas une compilation, mais c'est un réenregistrement de pièces de Pain of Salvation qui était déjà sorti sur d'autres albums comme King of Loss est apparu sur The Perfect Element Part 1 qui est sorti lui il y a déjà plusieurs années. Et le projet au départ, c'était de faire un disque en spectacle, histoire de faire patienter les gens entre deux albums studio, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, ils sont rentrés en studio pour le sortir, mais de façon acoustique. Et selon les chroniques que j'ai vues, ben, Daniel Guildenlow aurait sué sang et eau, c'est comme ça que c'était dit, pour sortir ce disque-là. Donc, ils ont travaillé très fort là-dessus, puis ils considèrent ça maintenant comme un disque à part entière. Et il y a des covers, si on peut dire, dont la pièce Holy Diver de Dio, Ronnie James Dio, qui a sorti ça au début des années 80. Et il y a aussi une pièce de Lou Reed. Et il y a aussi la pièce Falling Home, la pièce titre, qui est une pièce nouvelle. Juste avant, on a entendu Keipa, avec un titre en suédois que je ne me risquerai pas à nommer, moins que France t'ait envie de t'essayer. Du tout. Pas du tout, donc on passe. On avait débuté avec Fading Away de Spleen Arcana, un disque avec seulement 3 plages, mais de 12, de 10 et de 24 minutes. Et la pièce qu'on a entendue, c'est assez significatif. Et pour le deuxième bloc, il n'y aura pas beaucoup de chansons, si on peut dire, il n'y aura pas beaucoup de pièces, parce que on va faire jouer United Progressive Fraternité. ou si vous voulez juste UPF. Et c'est quoi ça? C'est un groupe australien. Leur album s'appelle Fall in Love with the World. Un titre qui est assez positif, hein? c'est très optimiste. Et c'est qui ce groupe-là? En réalité, c'est une utopia. C'est presque une utopia puisque c'est le même chanteur. Et il y a plusieurs musiciens en commun. On retrouve aussi Stephen Rue. Pardon? Il y a Claire qui chante dessus, c'est ça? Eh oui, je voulais en y venir. En lisant les crédits dans le livret, je vois le nom de Claire Vézina, qu'on connaît bien ici. Oui, on connaît très bien. Elle a déjà participé à la Convention Terra Incognita et elle a aussi été présente à certaines éditions. Et j'ai communiqué avec elle, je me suis rappelé son bon souvenir, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas échangé. Puis effectivement, elle me dit qu'elle a participé à deux pièces pour des voix. Elle avait participé aussi à Une Utopia, le dernier disque qui était un disque de cover là, de Une Utopia. Elle avait participé à ce disque-là aussi et elle me disait qu'elle avait eu beaucoup de plaisir à faire ça. Et elle me disait aussi que son disque avance bien, puis possiblement que ça pourrait paraître dans l'année. Donc, on y reviendra. Donc, la pièce qu'on va entendre, c'est une pièce assez longue, une pièce de 21 minutes. Ça s'appelle Traveling Man, The Story of Issue. Et on va entendre aussi, en complément, une petite pièce de Perfect Being que moi j'aime beaucoup. C'est un beau disque, positif, qui sonne un petit peu Beatles. C'est l'espèce de planète. Et on y va avec United Progressive Fraternity. Keeper of the crowd!

so I look back on my time and wonder if there's anything I could have changed. I hope you know how hard I tried to always take the path of light. And even though sometimes I lost the part of me that should be ever faithful, I try to look upon the cross and hold on to what's right. I listen to your voice, your outstretched arms revive me. I hold on to your love. I hold on to your love. I have no other choice. Your gentle spirit revives me. I hold on to your love. I hold on to your love. And all the choices still remain, and many questions that I left unanswered. But I can see through all the pain, the right way every time. city seemed a little small but more intact. I'll have to find my way back down. Sent a text. My phone is dead upon the hill. You realize life's never still. Act and react and react, act, act and react. Act and react and react, act, act and react. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou, lebaldulezard.com. Yeah, yeah. Et c'est ainsi qu'un soir d'il y a 45 ans est née la radio, en effet. Et depuis ce soir-là, un immense dialogue ne devait plus cesser de recouvrir la Terre. Un nouvel âge était né. Il y avait suffi de quelques pionniers. Vous écoutez CKRL. Et oui, CKRL, 89.1 Québec. Et c'est Terra Incognita pour encore la prochaine heure. Et c'était beau, hein? Perfect Being, là, qui est juste une petite pièce, là, mais étant donné que c'est qu'il y a plusieurs pièces là-dessus, en fait, il y en a 10, puis la plupart sont quand même assez courtes. C'était la pièce d'introduction qui s'appelle Canyon Hill. Et Perfect Being, j'en ai parlé la semaine dernière, plutôt le mois dernier, dans l'autre émission. Et c'est un nouveau projet avec Johan Loulès, qui était dans Mode Vellum. Et il avait sorti aussi un disque sous son nom là, qui sonnait beaucoup, Alias of Sun Hilo, de John Anderson. Mais juste avant, United Progressive Fraternity, ou tout simplement UPF, avec une très jolie pochette, hein, c'est beau, il y a un beau travail là-dessus. Et on reconnaît tout de suite le style de Unitopia. Et je pense que c'est voulu un petit peu le nom, parce que quand on les classe United Progressive et Unitopia, ça se retrouve un petit peu là, dans les mêmes rayons. Il y a un gros livret. Il faut dire que c'est l'édition spéciale, là, et on a reconnu la voix de Claire Vézina à l'intérieur de ça, puisqu'elle fait des vocaux en français et en anglais. Et on poursuit avec un nouveau groupe qui s'appelle Heliopolis, un groupe américain. Ça s'appelle City of the Sun. Moi, c'est une pochette qui m'intriguait un peu, et c'est sur le label Tenty, sur lequel on retrouve plusieurs autres groupes américains. En fait, je pense qu'ils sont tous américains. Et à l'intérieur du livret, en fait, je ne le savais pas, mais je l'ai vu à ce moment-là. En ouvrant ça, on connaît une binette, là. Hein? Ça nous rappelle des bons souvenirs parce que moi, j'ai reconnu à la base notre espèce de survitaminé, notre enfant au Ritalin, Kerry Chiquan, qu'on avait vu dans Mars Holo. Et il nous a bien fait rire avec sa basse Rickenbacker, surtout que c'est un bassiste gaucher. Il était hyper actif, il courait d'un bord à l'autre de la scène, il donnait des disques, il donnait la main aux premières rangées. Il n'a pas arrêté, mais tout de suite après ça, ben, il a quitté le groupe. Et là, on le retrouve dans Heliopolis. Et c'est un progressif énergique, je dirais moderne, mais avec des sons vintage aussi. Et ma foi, c'est un petit peu dans la lignée de Marsolo, là, je dirais. Disons que ça se compare à côté style, même si c'est des compositions plus longues. En fait, il y a juste 5 pièces sur ce disque-là qui s'appelle New Frontiers. Et on entendra une pièce. En fait, c'est la pièce New Frontier qu'on va entendre, mais le disque s'appelle City of the Sun. Et on poursuivra avec Frog Café, qui sera aussi à Convention Terra Incognita. Et Frog Café, je me suis dit on va écouter ça un petit peu. J'ai ressorti des disques de Frog Café. En fait, c'est ça qu'ils jouaient cet avant-midi de leur album qui s'appelle The Stephen Z Diaries. Et j'ai sorti une très belle pièce qui s'appelle Abyss of Dissension. Et c'est une pièce de 14 minutes. Dans lesquels il y a beaucoup de changements de rythme très progressifs. Mais Frog Café, c'est aussi un petit peu de jazz. Il y a un petit côté jazzé, jazz fusion. Il y a beaucoup de choses. Il y a des beaux sons de trompette aussi. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup ça. Mais on va entendre une pièce qui s'appelle Abyss of Dissension, mais on commence par Heliopolis. Oh,

descending, you go underground, pretending not to lose your cool eyes on that face from the blue skies above. It's too late, the keeper has just locked the gate, and now I'm sliding down, down, down, down, down. Thank you. awoken, though no words were spoken, they would not tell me what was said, what was read. Now I'm trapped here, sentenced to my last year. Too weak to fight, I'm breaking down, breaking down. Fight the dark and curse the rain, though no words were spoken, they would not tell me. Breaking down, breaking down. Fight the dark and curse the rain, sentenced to my last year. Too weak to fight, I'm breaking down, breaking down. Underground, you're shut down. Bill Ayers, John Lieto, Nick Lieto, Andy Sussman, Steve Unn, James Guarnieri. We're Frog Cafe. Thanks so much. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeu, dessin et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 18 janvier 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. CKRL. C'est énergique comme thème, ça. Et c'est énergique comme on espère que notre émission est. Et en parlant d'énergie, Frog Café, il y en avait quand même pas mal. Hein? Pas mal. Oui, j'ai hâte d'entendre ça. J'ai hâte de les voir sur scène. Même si on les a déjà vus, ça remonte quand même un petit bout de temps, quelques années, au Nirfest. Et d'ailleurs, je pense que c'est à ce moment-là que j'avais acheté ce disque-là. Un album double en concert avec 14 pièces en tout sur un album double. Il y a beaucoup de pièces autour des 10 minutes et même 15 minutes comme celle qu'on vient d'entendre. Et bon, on voit que c'est des musiciens qui maîtrisent très bien leur instrument et qui n'ont pas peur de faire des petites jams, mais ça reste quand même toujours contrôlé. Et juste avant, c'était Heliopolis avec City of the Sun, un disque que je vous conseille. C'est sur le même label, Tenty. Et on parlait tantôt de Pain of Salvation, qu'on avait manqué notre occasion d'y voir. Ça nous chatouille toujours un petit peu quand un groupe nous passe un petit peu entre les pattes comme ça. On est venu près. D'ailleurs, on avait des billets pour ce show-là. Qu'on n'avait pas vu, il avait été remplacé. Toi, tu as découvert, en fait, tu es allé vérifier, tu avais l'impression qu'il était passé, puis effectivement. Ils ont joué à l'automne dernier à Montréal, au Théâtre Plaza. Le 19 septembre. Oui. Donc. On les a manqués. Oui, fait que, effectivement, on n'était même pas au pays dans ce temps-là. On était en voyage. De toute façon. Je ne l'avais pas vu. On l'aurait probablement manqué de toute façon. Et pour revenir à la convention, on voulait donner le line-up. Donc, pour le samedi? Le 16, c'est Elephant Scotland, si je prononce bien. Les éléphants d'Écosse. Les éléphants d'Écosse. Hein, on a vu beaucoup en Écosse des éléphants. Hein? Oui. Anecdoten. Et reste un groupe à confirmer. Entre les deux. Le 17, c'est... J'ai un blanc. Ben, ça va débuter avec Frog Café, justement. Frog Café. Es Castello di Al Dente. Il Castello. Es Castello. Ouais. Et pour finir, c'est Kepa. Et le 15 mai, c'est pas annoncé encore, mais il devrait y avoir Magma au Théâtre du Petit Champlain. Parce qu'ils vont au Festival de musique actuelle de Victoriaville, qui est le 17 mai. Effectivement. Et bientôt, on devrait avoir la venue d'IQ, que les billets en vente devraient être sous peu, qui viennent à l'Impérial le 10 avril. Donc, l'année débute en Lyon, avec beaucoup d'annonces. Et côté musique progressive, on ne s'ennuiera pas. Avec tout ce qu'il y a d'annoncé. Ça, c'est sans parler de tout ce qu'il y a un petit peu partout dans le monde, dont la Convention progressiste qu'on mentionne, un partenariat avec Progressiste. Et ils ont changé le nom. Ils ne s'appelleront plus la Convention progressiste. Ils se présentent sous le nom de Festival progressiste. parce qu'ils trouvaient que ça donnait un petit côté élitiste à la chose, alors qu'ils voulaient que ce soit bien clair que c'était quelque chose qui était ouvert et non pas un fan club, comme par exemple la convention Marillion, auquel on n'a jamais assisté, mais ça serait à mettre à l'agenda un de ces jours. Ils viennent souvent à Montréal. Est-ce qu'il y en a cette année? Oui. 2015, avril 2015. C'est au mois d'avril, oui. Donc c'est ouais, pas mal en début d'année, et c'est pas mal tout dans la même période, en fait. Quand. Et c'est déjà le dernier bloc, le quatrième bloc, et j'ai un groupe espagnol entre les mains, Michel m'a amené ça, ça s'appelle Pervy Perkin, et c'est un disque double dans un digipack, ça s'appelle Ink. Et chacun des disques a un titre, dont Book of Equinox, et le deuxième disque, c'est Book of Solstice. C'est un extrait de Book of Solstice qu'on va entendre, ça s'appelle Slorm. Et on vient d'avoir ça, Michel est arrivé avec ça, c'est mercredi, je pense qu'il est venu. Puis, j'ai pas eu le temps d'écouter beaucoup, mais j'ai quand même extrait cette pièce-là qui s'appelle Slorm. Et un autre disque qui est foutument mal présenté, mais qui est pas mal bon, je l'ai écouté deux fois, c'est Juke. Ça, c'est un groupe français. Et il y avait même pas de place dessus pour mettre le titre de l'album, c'est Chimera Still. Et c'est des pièces assez longues, lui aussi. Et on va entendre On the Edge et on revient pour un dernier micro. Yeah.

Et c'est sur ces beaux accords de piano que ça termine la pièce On the Edge du groupe français Juke. L'album Chimera Steel. Et comme je vous disais, je vous parle souvent des présentations du label K-Scope. Et je trouve qu'on est à 100 lieues de là. C'est juste une petite pochette de carton. C'est un petit peu malheureux parce que le produit est vraiment excellent. C'est un disque de plus de 70 minutes. Et c'est vraiment très bon. Malheureusement, c'est mal présenté. Et on le perd dans notre discographie, une simple petite enveloppe comme ça. Et juste avant, c'était P.V. Perkin, qui lui est très bien présenté dans un beau digipack double et un très très gros livret abondamment illustré. Et c'est déjà tout pour nous autres. C'était Bruno, France et Jean-François qui vous accompagnaient ce soir. Et je vous rappelle que l'émission est disponible en podcast. Donc, si vous avez manqué quelque chose, vous pouvez y référer. Et on se quitte sur Cyrus B qu'on entend en background. Et je vous dirais de rester à l'écoute parce que c'est les 20 ans de l'autoroute avec Stéphane Villeneuve. Ça fait 20 ans que Stéphane Villeneuve anime l'autoroute, mais l'émission existait déjà avant ça. Donc, un beau bye-bye et bonne semaine à tous. Bonne semaine France et Bruno.